Mandataire judiciaire. Deux nouveautés intéressent la profession des mandataires judiciaires. Depuis le 16 septembre 2016, les mandataires judiciaires peuvent être associés d'une société d'exercice libéral, d'administrateur judiciaire et inversement. À compter du 1er janvier 2017, le tribunal qui ouvre une procédure collective pourra désigner à titre habituel à la place d'un mandataire judiciaire des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour qu'ils exercent les fonctions de liquidateur judiciaire dans les procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard d'entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur ou égal à 100 000 euros, ou d'assistant du juge commis dans les procédures de rétablissement professionnel.